rentrer en balage, c'est pas la vie qui fait l'homme. Dérapage incontrôlé, curriculum dans les fossés. Car on s'en fout que t'aies des taux de compétences. Aujourd'hui ceux qui jouent, c'est avant tout ton apparence. Ton appartenance sociale et puis la longueur de ton bras. Gardeur de l'âge patronal vont bien caser un noyau contrat. Si ton grammage ne se rapporte pas à ton plumage, alors t'es quoi? T'es pas le phénix de cette célèbre prononce ton bas. L'abordage de cette société où l'image que l'on dégage prévaut sur celle qu'on est. B, c'est la garde et les télégrammes deviennent livres de chevet. D, code barre, voilà ce qu'on est, des animaux de foire. E, F, G, la pupille dilatée et la babine qui dégouline. J'ai le cerveau en purée et le zapping comme discipline. G, la rétine saturée d'images depuis la tétine. Il déterre la hache de guerre. À croire qu'on est revenu à l'âge de pierre. Le peuple n'a plus sa place, pourtant les marches des fers. Dans les rues ça parle de fer. Vibrer la France avec les mots de vie. Vois pas tant que d'autres s'expriment à coups de part de fer. On met les points sur les i car on est tous sur le fil. Question de survie, on va pas tant que les bombes tombent sur la ville. Pour cogiter, trop de fausses idées. Et malheureusement pour beaucoup la vérité n'est cogitée. Je suis qu'un cas social à l'apparence peu jovial. Ils me font comprendre qu'en fait ma liberté n'est pas négociable. J'ai plus qu'à blesser à l'écart, laisser à l'écart de tout. Soit disant que mon faciès est dans un sale état. Et sans brûler les ailes. J'excelle car ma force est celle des verbes. Et elle seule peut faire trembler le pays à forte échelle. Ils sèment le désordre, nos raisons nous cachent un trésor. La haine, voilà l'image de nos qu'ils assaisonnent. Commencement était l'image, mais trop de raccourcis faciles. On fait du miroir un mirage et de la conscience un fossile. Même si certains creusent pour la trouver, les plus puissants préfèrent que la vérité repose en paix. Ils ont tout rabaissé, du cul à la culture, du coup ça dort. Et certains d'entre nous manquent d'air et de futur. On passe nos vies en clair-obscur. Tous rassemblés, c'est dans ces prairies qu'on pâture. T'es fiché, ticoté, tétanisé. T'es même pas sûr de passer un jour à la télé. T'es saoulé alors que t'as pas encore bu. Regarde bien, leur publicitaire nous a eu. L'image est devenue une arme militaire. Une frappe, une vertu, l'image est un cancer. Une guerre, avant de faire nos éléments. Image en perte depuis le berceau. L'image est devenue une arme militaire. Une frappe, une vertu, l'image est un cancer. Une guerre, avant de faire nos éléments. Depuis le berceau. 5h30 par jour en moyenne dans un foyer, la télévision. Et ça continue d'augmenter. Et ça continue d'augmenter. Il y a Internet, il y a les blogs, il y a toute une série de choses aussi. Il faut quand même comprendre que nous sommes dans une société qui simultanément encourage les marchands d'excitants et de crétinisme et sanctionne les gens qui sont excités. L'image est devenue une arme militaire, le frappe, une vertu, l'image est un cancer, une guerre. Avant bunker, nous et les mots. Image en perte depuis le berceau. L'image est devenue une arme militaire. Une frappe, une vertu. L'image est un cancer. Une guerre. Avant bunker, nous et les mots. Image en perte depuis le berceau. L'image est devenue une arme militaire. Une frappe, une vertu. L'image est un cancer. Une guerre. Avant bunker, nous et les mots. Image en perte depuis le berceau. L'image est devenue une arme militaire. Une frappe, une vertu. L'image est un cancer. Une guerre. Avant bunker, nous et les mots.